Then verse 20. Verse 20. 20. Notwithstanding in this, rejoice not. You know, after they gave their testimony, and the Lord now said, you have the power. I've given you the power to tread upon on serpent and on scorpions, and upon all the power of your enemy, and nothing shall by any means hurt you. You know, after that, he just said, all this should not even be your joy. Mm-hmm. Nachdem er ihnen gesagt hat, dass ihr die Macht habt, dass ihr diese Autorität habt, hat er ihnen aber dennoch gesagt, dass darüber sollt ihr euch nicht freuen, denn das ist alles fleischlich. Jésus-Christ leur a expliqué quel pouvoir il leur a donné. Donc ils peuvent marcher sur un scorpion, sur les serpents sans danger, mais cela n'est pas la raison pour laquelle ils doivent se réjouir, parce que tout ça est charnel. Praise the Lord. He's telling you that the spirit have no power over you. Mm. Whatever it says, I have no power over you. They don't have anything to do that to obey you. Amen. It is already a done deal. They must. So that should not even be your joy. Er sagt, das ist schon ein Gesetz, dass diese ganzen Dämonen euch untertan sind. Na, das ist schon normal. Das ist nichts, worüber ihr euch irgendwie freuen müsst. Das ist selbstverständlich. No choice for them. Parce que Jésus Christ leur fait comprendre que le fait que les mauvais esprits les obéissent ou alors qu'ils peuvent marcher sur les serpents, c'est quelque chose de c'est pas extraordinaire. It should not be wonder. C'est pas un miracle. Amen. C'est pas la raison pour laquelle vous devez être. It should not even be a miracle. Das sollte nicht mal ein Wunder sein für euch. Ouais, ça doit même pas être un miracle pour vous. Because that is your lifestyle. Denn das ist euer Lebensstil. Parce que ça c'est ton mode de vie. Amen. That's where you are born into now. That's where I am. Now they obey you. Mm. You control them. You are the one to direct them, to tell them where to go. Yeah. Amen. Da bist du reingeboren worden. Das ist deine Autorität, das ist deine Macht, deine Vollmacht. C'est ta nature, c'est là où tu as été né. Tu es un enfant de Dieu. Donc, que tu peux dire, tu peux donner des ordres à ces esprits et tout n'est et rien de spécial. You know, whatever is pursuing them, you know, they cannot get to where you are. Because they don't. They don't have any choice than to obey you. Was immer ihr ihnen hinterherjagt, es hat those things that are pursuing them, they don't have any choice than to obey you. Die Dinge, die ihnen hinterherjagen, die ihnen Angst machen, sie haben bei uns keine andere Wahl, als sich niederzuknien und uns zu gehorchen, wegen der Autorität und Kraft, die wir in Christus Jesus haben über sie. Donc les choses, les esprits qui menacent le monde, qui fait douter le monde, qui donne des soucis au monde. Ils sont en dessous de nos pieds. C'est à travers l'autorité qu'on a reçue de notre Père. Ces esprits n'ont pas d'autre choix à obéir à notre voix. You know what Jesus is saying here. Like, wisst ihr, was Jésus hier sagt? Sais-tu ce que Jésus-Christ nous dit ici? Don't underrate yourself. Unterschätzt euch selbst nicht. C'est de pas de sous-estimer. Praise the Lord. Alléluia. Stop saying you are not there when you are already there. Hört auf zu sagen, dass ihr nicht da seid, obwohl ihr schon da seid. Arrêtez de dire que vous êtes pas là, vous êtes pas encore arrivé, alors que vous êtes déjà là. Praise the Lord. Alléluia. Stop fighting yourself. Why are you still doing this? Why are you not believing? You are believing. If not, you will not be even. You will not even be here. Amen. Hört auf, euch selbst zu bekämpfen und euch als Ungläubige darzustellen und zu sehen. Weil wenn ihr wirklich nicht glauben würdet, wärt ihr nicht mehr hier. Arrêtez de douter de votre foi, de douter de votre personne. Parce que si tu ne crois pas, tu ne seras pas capable d'être ici. Jesus said, in the world there will be tribulation. Jesus sagt, auf der Welt wird es Drangsal geben. But you have Probleme geben. Aber ihr habt schon den Sieg durch mich. Amen. Et Jésus-Christ nous dit qu'on a déjà sa victoire, même si dans le monde il y aura des tribulations. All these thoughts can come. All diese Gedanken können kommen. Toutes ces pensées peuvent venir. Amen. All you do is remind them of Christ. Ja, was immer du tust, einfach nur dich an Christus zu erinnern. Même si toutes ces idées viennent, la seule chose que tu dois faire, c'est de te rappeler à ton Père, de te rappeler au Christ. Stop underrating yourself. Hör auf, dich selbst zu unterschätzen. Amen. Du bist mächtig. Arrête de te sous-estimer. Tu es puissant. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20 said, notwithstanding in this, rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Is that not good enough for us? Ganz klar, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Amen. Donc, on doit se réjouir que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux et pas que ces esprits nous obéissent. Always remember that your name is written in heaven. Erinnert euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Donc rappelez-vous que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Be aware of it. Seid euch dem bewusst. On doit être vraiment être conscient de ce fait. On doit le savoir. Mind yourself of it always. Erinnere dich ständig daran. That's what Jesus is saying. Rappelle-toi à chaque moment de ce fait. Praise the Lord. Alléluia. Stop underrating yourself. Hör auf, dich selbst zu unterschätzen. Arrête de sous-estimer. Amen. Amen. Stop on that. Stop seeing yourself as Satan wants you to see yourself. Hör auf dich so zu sehen, wie der Satan dich sehen möchte. Arrête de te voir comme le diable veut que tu te vois. Ou alors comme il te voit. Look at what Jesus says here. Hört euch an, was Jesus hier sagt. Amen. Regardez ce que Jésus-Christ nous dit ici. He said, I give unto you. It did not say I'm going to give you. He said you already have it. Er sagt nicht, ich werde euch das übergeben, sondern ich habe es euch schon übergeben. Il nous dit qu'il nous a déjà donné ce pouvoir, cette autorité, pas qu'il va nous donner cette autorité. Amen. That you are there for Christ Jesus is a good, it's a victorious testimony. Dass du für Christus Jesus da bist, ist ein wundervolles Zeugnis. Que tu es capable d'être là pour Jésus-Christ est un témoignage merveilleux. In spite of the little you receive. Trotz des kleinen, was du empfängst. Malgré le peu que tu reçois. You are still able to be there for Christ Jesus. Dennoch bist du in der Lage, für Christus Jesus da zu sein. It's a testimony. Das ist ein Zeugnis. Ouais, malgré le peu que tu reçois, tu es toujours capable à être là pour Jésus-Christ. C'est un témoignage. Nobody outside here will call you a rich person. Niemand außerhalb hier würde dich einen reichen Mensch nennen. Outside, you are everywhere on the street. Mm-hmm. Nobody will see you as that you are there for a whole big God. Aber wir sind da. Du bist da für einen ganzen großen Gott. Das zeigt deine Größe. Personne en dehors de ces quatre murs va dire que tu es un homme riche. Mais malgré le peu que tu es capable à être là pour le grand Dieu, pour le bon grand Dieu. Ça, c'est un témoignage merveilleux. You know, to be there for somebody, you have to be bigger even than the person you are going to be there for. I don't know if you get it. Um für eine Person, andere Person da zu sein, musst du eher sozusagen größer als diese andere Person sein, weil sonst... Or equal. You can be equal. No. Are you getting it? Oder it's not smaller. Ist gleich, aber kleiner sein als diese Person. Donc, afin d'être là pour une personne, tu dois être plus grand que cette personne, ou alors minimum sur le même niveau. Why are children always see their father can beat everybody? Mm. It's because they see their father bigger than them. Deshalb denken Kinder, dass ihre Väter jeden besiegen und schlagen können, weil die ihre Väter größer sind als sie selbst. Pourquoi pour un enfant leur père est l'homme le plus fort du monde? Parce qu'ils sont capables, parce que leur perspective sur leur père est ils voient une personne qui est plus grande, une personne qui est plus forte. For you to be there for a big God. Dass du für einen großen Gott da bist. Are you sure? That should help you to know how mighty you are. Das sollte dir zeigen, wie mächtig du bist. I say thank you to him. Und dafür sorgen, dass du dich bei ihm bedankst. Et nous maintenant, si on est capable à être là pour le seul vrai bon Dieu, ça doit nous montrer dans quelle position on est, quelle autorité, quelle puissance on a. And you don't underrate yourself in any second. Please. Und deswegen sollten wir uns in keiner Sekunde unterschätzen. Et c'est la raison pour laquelle on le remercie et c'est la raison pour laquelle on doit jamais se sous-estimer. Praise the Lord. Alléluia. You know, the rich men in the world, they are always there for small people. But you are there for a big God. Amen. Diese ganzen reichen Männer, sie sind immer da für irgendwelche kleinen Leute, aber du bist da für einen mächtigen, übernatürlichen Gott. On peut voir dans le monde, par exemple, toutes les personnes riches et tout, ils s'investissent dans la charité et tout pour aider les gens en dessous d'eux, les gens plus petits. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es là pour ton Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. You know, we are not even there in understanding Christ's message, Christ's kingdom. We are going to go there very soon. Amen. Mm. I don't know when, but we'll go there. Amen. Mm. There you know. The true you. Wir sind noch nicht mal da, wo es darum geht, das Königreich Gottes zu verstehen, weil da wirst du nämlich deine wahrhaftige Identität verstehen und dann wirst du überhaupt wissen, was bei dir eigentlich abgeht. Mm. Et on n'est même pas encore dans le royaume des cieux où on va vraiment être réellement capable à comprendre la totalité de notre identité. Praise the Lord. Mais là, tu vas vraiment comprendre qui tu es en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Amen. Let's go to Mark 16. Mark 16. I want to continue. Yes, mm-hmm. Please. Mark 16. Mark 16. Praise the Lord. Mark 16, verse 17 and 18. Versets 17 et 18, Mark 16. Mark 16, 17 and 18. He said, and this sign shall follow them, I believe. The sign that shall follow them. And not they that believe following the sign. The signs follow you. This sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. I hope you understand it. Diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Amen. Mm-hmm. Et ceux qui croiront, voici comment ils monteront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, ça ne leur fera aucun mal. Ils poseront leurs mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, those outside, you know, those that are not, you know, some of us, we are matured here, to some extent. Amen. You know, those that are not mature, they not at all, that are so, they are so full of religion. This message will help them a lot. Viele Leute, die voll sind von Religion, die noch nicht reif sind, diese Botschaft wird ihnen sehr, sehr helfen. Et les gens qui sont pas encore matures, réellement matures en Jésus-Christ, ce message va vraiment les aider. You know, we just read that. You don't seek their testimony. What they call testimony, you don't seek them. What they call testimony, seek you. Dass wir das, was sie Zeugnis nennen, nicht suchen sollen, weil das, was sie Zeugnis nennen, sucht uns auch. Amen. Donc, on vient de lire, on vient de comprendre que on cherche pas à avoir leur témoignage, mais c'est plutôt que c'est ce que eux ils témoignent, ce qui est leur témoignage, c'est ça qui nous cherche. Praise the Lord. Hallelujah. They seek what they call testimony. They seek them. Das, was sie Zeugnis nennen, sie suchen danach. Ce qu'ils appellent un témoignage, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. They seek to be healed. Sie suchen nach Heilung. Ils cherchent à être guéris. They seek to be blessed. Sie suchen nach Segen, gesegnet zu sein. Ils veulent être bénis. Amen. They seek to be loved. Sie suchen nach Liebe. They seek. You know, it's already they seek because they don't have it. They seek it. They are after it. They run after it. They go after it. Sie suchen es, weil sie es nicht haben. Deswegen müssen sie das suchen. Sie müssen diese Dinge jagen, weil sie sie brauchen. Donc ils sont toujours à la recherche de quelque chose. Ils cherchent à avoir la guérison, à avoir de l'argent, à avoir quoi que ce soit. Parce que ils ne possèdent pas, ils l'ont pas. But what they call testimony, you know, they seek to be to pass their exam. Mm-hmm. That those things they seek. What they call testimony, seekers. Was sie Zeugnis nennen, sucht uns aber auch. Mais ceux que eux ils cherchent, ceux qu'ils appellent un témoignage, c'est ça qui nous cherche. Aber sie müssen nach diesen Dingen suchen. Sie müssen danach suchen, zu bestehen oder Geld zu haben oder sonstiges. You better stop seeking things. If not, those things will keep on running away from you. Hör auf, nach diesen Dingen zu suchen, sonst werden diese Dinge vor dir weglaufen. Du suchst nicht nach Dingen, du suchst nach Christus und alles andere. Ouais, donc on n'a pas cherché comme le monde le cherche. Nous, ce qu'on a cherché, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume. If your mind is full of I want to pass, you better quit that whatever school it is. I want, and you cannot come to the point of saying, I have it. And just say it in your heart, and let believe it that nothing can talk you out. Is somebody getting it? Wenn deine Gedanken voll sind vom Bestehen, dann lass diese Sache lieber komplett sein, weil das ist nicht mehr Christus, das bist dann nur noch du. Donc si tu cherches seulement à avoir des bons résultats, à avoir la guérison et tout ça, tu dois... c'est pas ça que tu vas chercher, c'est l'éternel que tu dois chercher. Praise the Lord. Et si... Et si ce résultat est plus important que... Si le résultat vraiment atteint un point qui est vraiment si important pour toi, tu dois même stopper tes études ou quoi que ce soit, ou même ton travail. Si ton travail cherche à prendre la place du Christ dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whatever we have is Christ. And whatever we do is Christ. If we are going to school, if we are going to work, is Christ. Everything is Christ. It should not bother us if they are Christ. Wenn es wirklich Christus that's ist, the difference. Sollte uns ist keine Gedanken. If it is giving you problem, then it's not Christ. Aber wenn es uns Probleme bereitet, dann ist es nicht mehr Christus. Tout ce qu'on fait est le Christ. Et si les choses qu'on fait pour le Christ commencent à nous donner des problèmes, commencent à nous, enfin, je veux même dire écarter du Christ, on doit le stopper, on doit l'arrêter. I just want to make this message short because of the testimony. Amen. Mm-hmm. I will quickly still go further. Amen. Kurz halten wegen den Zeugnissen, aber ich werde dennoch ein bisschen weiter noch gehen. Je veux vraiment pas continuer à rentrer dans les détails de ces témoignages parce que je veux vraiment continuer avec les non de ce message parce que je veux continuer avec les témoignages. You know, if even the old, if you look at Daniel, if you look at the three Hebrew boys, if you look at Joseph, they did not seek what religion called testimony. Wenn selbst die vom alten Bündnis die anschaust, die haben auch nicht nach dem gesucht, was die Religion heute Zeugnis nennen würde. Parce que si tu regardes même dans l'Ancien Testament, Daniel, Moïse, ils ont jamais cherché les choses que le monde aujourd'hui, que la religion appelle témoignage aujourd'hui. They were not after what religion called testimony. Sie waren nicht hinter dem her, was Religion Zeugnis nennen würde. Ils cherchaient pas à voir ce que le monde appelle témoignage. What religion called testimony, you can get them in different ways. Denn das, was Religion Zeugnis nennt, das kannst du auf unterschiedliche Weise bekommen. Planer macht's möglich, das ist alles möglich heutzutage. Ce que le monde appelle témoignage, tu peux l'avoir, ou ce que la religion appelle témoignage, tu peux l'avoir dans des manières différentes. Amen. Mm. You know, somebody come and beg for them, don't put them in fire. I will pay for it. That's a testimony. Yeah. Oder auch, dass zum Beispiel jemand bei drei hebräischen Jungs dazwischen geht und sagt, ey, verbrennt sie nicht, wir werden auch zahlen, wir werden Geld geben, damit sie verschont werden von dir. Und das ist für die Religion ein Zeugnis, dass diese Menschen dann wegen diesem Geld, was gegeben worden ist, nicht verbrannt worden sind, verschont worden sind vom Feuer. Pour quelqu'un de religieux, par exemple, si quelqu'un se porte garant et dit que je vais payer pour les trois petits garçons hébreux afin qu'ils ne soient pas jetés dans le feu, pour la religion, ça, c'est un témoignage. Quelqu'un s'est porté garant, quelqu'un a payé pour eux, donc ils vont dire gloire à Dieu, quelqu'un est venu pour les sauver. They never seek not to be burnt. Sie haben nicht danach gesucht, nicht verbrannt zu werden. Mais pour les trois petits garçons hébreux, il ne s'agissait pas d'être pas brûlé. Non. Daniel never seek not to be eaten by the lion. Daniel hat nicht danach gesucht, nicht gefressen zu werden von den Löwen. Pour Daniel, par exemple, il ne s'agissait pas de pas être dévoré par les lions. That was why the lion was able to bow down. Deswegen war der Löwe auch in der Lage, and the fire was able to say, praise the Lord. Und das Feuer war in der Lage zu sagen, preis den Herrn. Et c'est la raison pour laquelle le lion a été dompté pratiquement, ou alors même le feu a dit gloire à Dieu. Are you getting it? Mm. In John 6, Jesus has saved me that never perish. You know that? Mm. Mm. Sagt Jesus, such nach der unvergänglichen Speise. Et dans Jean 6, hein? Dans Jean 6, Jésus-Christ nous dit de chercher la nourriture qui ne périt jamais. Praise the Lord. Amen. They were seeking him. Sie haben nach ihm gesucht. Ils ont cherché Jésus-Christ. Verse 26 and 27. Jean 6, verset 26. Looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht, aber für was? Wegen Speise, die vergänglich ist. Because to pass exam, because to have money, because to have husband, to have wife. You know, that those they are meat that perish. Ja, um eine Prüfung bestehen, um einen Ehemann zu haben, ein Kind endlich zu haben. Et ils ont cherché Jésus partout. Mais pour les mauvaises raisons, pour avoir un mari, pour avoir des bons résultats, ou là, pour être guéri ou quoi que ce soit. Mais tout ça va périr un jour. Tout ça est vanité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Jesus answered them and said, verse 26, please. Verset 26. Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle. But because you did eat of the loaves, and we are filled. 27. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You see something there? Jesus said, seek the meat that never perishes. Jesus sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. On peut voir, Jésus-Christ nous dit de ne pas chercher la nourriture qui va périr. In another word, let it be testimony that never perish. Lass du das ein Zeugnis, was niemals vergeht, was für immer ist. Donc, en autre mot, on peut aussi dire que ne cherchez pas à donner les témoignages qui vont s'abîmer, qui périssent. There's no end to your testimony. Because nothing else I can control it. Weil nichts da draußen kann es ändern. Es kontrollieren. Amen. Except you, when you say no to Jesus. Nur du, wenn du nein sagst zu Jesus. Parce que rien ne peut mettre fin à ton témoignage, à part si toi-même tu dis non. Parce que rien ne peut contrôler le Christ. Amen. Their testimony is always temporary. Ihr Zeugnis ist immer temporaire. Leur témoignage est toujours temporaire. They go from one to another, from crisis to crisis. Ils gehen von Krise zu Krise. Testimony upon testimony. Mm. No, we don't have one. Mm. We are the sons of God. Wir haben nur ein Zeugnis. Our names are written in heaven. Mm. Et pour le monde, on peut voir qu'il marche de témoignage en témoignage. Donc il marche de crise en crise. Mais notre témoignage est toujours le même. Il s'agit toujours de Jésus-Christ. Il s'agit toujours du Christ en nous. Il s'agit toujours de son royaume. Et tout ça, c'est un. Parce que tout ça est le Christ. Your testimony is how your joy is going to be permanent. Dein Zeugnis ist so, wie deine Freude beständig bleibt, ewiglich bleibt. Ton témoignage est, on peut dire, la raison pour laquelle ta joie est pour toujours. Your testimony will always control your joy. Dein your peace. Zeugnis wird immer deine Freude. Your focus, your value. Your testimony will always control it. Dein Zeugnis wird das immer kontrollieren. Parce que c'est ton témoignage qui va toujours contrôler ton bien-être, ta joie, ton repos, la paix que tu as. Amen. If your testimony is your name is written in heaven, it means your testimony is forever. Amen. Because you can remove it. Amen. Amen. Parce que si ton témoignage, par exemple, it will replace your joy forever. Amen. And if that is, if it is based on, if you allow that testimony to be your name is written in heaven, it is going to control your joy. It's going to control everything. And it means your joy, your peace, they are all permanent. Mm-hmm. And nothing can change them. Wenn dein Zeugnis ist, dass dein Name im Himmel geschrieben steht, ist dein Zeugnis für immer, weil das eine ewigliche Tatsache ist. Und weil dein Zeugnis darauf besteht, wird auch deine Freude darauf basieren. Wird auch deine Freude immer gleich sein, weil dieser Name immer dort stehen wird. Et si ton témoignage est que ton nom est écrit dans le livre de la vie, ça veut dire que ta paix sera éternelle, parce que ton nom écrit dans le livre de la vie, ça c'est pour toujours. Donc ta paix sera pour toujours, ta joie sera pour toujours. Amen. Amen. You know how to dance the same dance you danced yesterday. The same dance you are dancing today. Amen. And the same dance you dance forever. Amen. Is allow your testimony to be Christ. Wie wir zulassen, dass wir die gleichen the spirit are not the Dance Moves, die wir gestern gemacht haben, auch heute unsere Moves sind sogar noch krasser sind, ist, indem unsere Freude immer auf dem basiert, was ewiglich gleich bleibt, dass unser Name im Himmel geschrieben steht. Si on est capable, non, si nos témoignages sont le Christ lui-même, donc que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, ce sera la raison pour laquelle on sera capable de danser aujourd'hui comme on a dansé hier, par exemple, et aussi de danser demain, le lendemain, parce que tout ça est le Christ. Amen. Amen. There's no end to heavenly testimony. Das himmlische Zeugnis hat kein Ende. Donc il n'y a pas de fin à un témoignage céleste. Nothing outside can change it. Rien dans le monde peut le changer. I don't have money cannot change it. Kein Geld zu haben wird das nicht ändern. Pas d'avoir d'argent va pas le changer. A famous man cannot change it. We who have failed millions of times cannot change it. Auch wenn ich es Millionen mal nicht schaffe, kann das nicht ändern. Donc ne pas avoir passé mes examens, ça va pas aussi affecter mon témoignage. I don't have a wife, I don't have husband, I don't have, I mean, they cannot change it. Ich keine Frau habe, ich keine Kinder habe, das sonstige, das kann es nicht ändern. I don't have husband, I don't have money. The joy of this world. Die Freude dieser Welt. Donc, ne pas avoir de mari, ne pas avoir de femme, ne pas avoir passé mon examen, d'être malade ou quoi que ce soit. Tout ça, ça doit pas changer, ça va jamais influencer ton témoignage, si ton témoignage est le Christ. No doctor's report can change. Kein Arztbericht kann das ändern. Aucun rapport de médecin peut le changer. Praise the Lord. Alléluia. If the doctor tell you are going to die, it can never change it. Wenn der Arzt dir sagen, dass du sterben, you just jump up and kiss him. Du wirst hochspringen und küssen. Et même si le médecin te dit aujourd'hui ok tu vas mourir bientôt, même ça va ça doit jamais t'influencer, tu vas même l'embrasser. Because your testimony is Christ. Dein Zeugnis ist Christus. And nothing can change it. Mm-hmm. Not even doctor's report. Und nicht mal der Arztbericht. Parce que ton témoignage est le Christ et rien peut le changer, même pas le rapport du médecin. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Also, what will people say cannot change it. Sagen, no, what will people say changes things a lot in our life. Denn das, was Leute sagen, how will they see us? Yeah. What will they ask or what am I going to say? Wenn ich gefragt werde, was soll ich dann sagen? Just say Jesus. That's einfach Jesus Christus. If they like it or not, just say Jesus. Ob ihnen das gefällt oder nicht. That's all you are holding. Das ist das Einzige, was du ihnen schuldest. Et ouais, même ce que les gens vont nous dire, la manière dont les gens vont penser de nous, tout ça, ça va plus nous influencer. Parce que la seule chose qu'on doit à ces personnes, c'est le Christ. Donc seulement dis seulement Jésus-Christ et continue ton chemin. Il s'est sick de me that never perish. Il dit, suche nach der Speise, die unvergänglich ist. Il nous dit de chercher la nourriture qui ne s'abîme. Stop seeking to pass. Stop seeking to be healed. Stop seeking to have things. Dinge zu haben. To have husband, to have wife. Stop seeking them. Kinder zu haben. Hör auf, danach zu suchen. Donc on doit vraiment arrêter de passer à vouloir passer nos examens, avoir un mari ou avoir une femme ou avoir des enfants ou avoir les... Donc, en général, avoir les biens de ce monde. Amen. Amen. Stop seeking how. How. Stop seeking how. Wie zu suchen. On doit arrêter de chercher le comment. How you are going to get what day and you call good. Wie wir das bekommen, was what day and you und du gut nennst. Religious people and you. Mm. No, you are joining them. What they call good victory. Mm. How you are going to get it. Ein guten Werdegang nennen. Mm. Donc on doit arrêter de chercher ce que la religion est. Toi-même aussi appelle une victoire ou appelle le bien de ce monde, donc que ce soit une maison ou quoi que ce soit. Non, on doit arrêter de le faire. You don't need what they call good. Du brauchst nicht das, was sie gut nennen. On n'a pas besoin de ce que le monde appelle. You don't need bien. What they call bon. Good results. Du brauchst nicht das, was sie ein gutes Resultat nennen. On n'a pas besoin de ce que le monde appelle un bon résultat. You already have the best results. Du hast schon das beste Your Resultat. Your result is Christ. Dein Resultat ist Christus Jesus. Parce qu'on a déjà le meilleur résultat, parce que notre Your résultat est Christ. Is Christ. Dein Bericht ist Christus. When are you going to believe it? Wann wirst du ihm glauben? Ton rapport du médecin ou quoi que ce soit, c'est le Christ. Quand est-ce qu'on va commencer à le croire? How will it take? How long will it take you to believe it? Wie lange wird es brauchen, ihm zu glauben, zu vertrauen? Er möchte, dass du ihm vertraust. Combien de temps ça va encore te prendre à faire confiance à l'Éternel? Il veut qu'on le fasse confiance. You don't need, you know, you don't need what they call good results. Du brauchst nicht das, was sie gutes Resultat nennen. On n'a pas besoin de ce que le monde appelle un bon résultat. Good result. What they call good result is temporary. Denn das, was die gute Resultate sind, sind zeitlich, vergänglich. Parce que ce que le monde appelle un bon résultat est temporaire. Praise the Lord. Alléluia. It is perishable. Es ist zerbrechlich. C'est périssable. It can take you to nowhere. Es kann dich nirgendwo hinbringen. Ça va te mener nulle part. Because the kingdom is not going to work by it. Weil das Königreich wird nicht danach funktionieren, nach diesem guten Resultat oder it doesn't need it. Guten Bericht. Es braucht es nicht. Parce que le royaume des cieux n'a pas besoin de ces résultats. Parce que ce résultat va aussi jamais contrôler le royaume des cieux. What the kingdom needs is Christ. Was das Königreich braucht, ist Christus. Believe this in zu glauben. An das fertige Werk zu glauben. Donc ce que le royaume des cieux a besoin est le Christ et que nous on croit à l'œuvre accomplie du Christ. Meditate in his finished work for you. Nous sinne über sein fertiges Werk für dich nach. Donc on doit méditer dans l'œuvre accomplie. Does not need anything man, religion called good. Good talk, good result, good job, good husband, good wife, good. Gut nennen. Gutes Resultat, gute Frau. In the natural world, yeah, they need it. Gute Wohnung, gutes Please, don't let me help you to understand. In the natural world, but you are not there. In der natürlichen Welt braucht man das alles, aber du gehörst nicht mehr dahin. Donc, dans le monde naturel, oui, tu as besoin des biens de ce monde, mais tu n'es plus de ce monde, tu n'es pas de ce monde, tu es un citoyen du royaume des cieux. Donc, ce que est leur témoignage, donc ce que le monde a besoin n'est pas ce que toi tu as besoin. The kingdom of heaven does not accept what you are doing. Aber das Königreich des Himmels akzeptiert das, was du tust, nicht. Parce que le royaume des cieux ne va pas accepter ce que tu fais. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Let me quickly repeat it again. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You don't need what they call good. Du brauchst nicht das, result. Was sie gut nennen, gutes Resultat nennen. Tu n'as pas besoin de ce que le monde appelle un bon résultat. Good result is temporary. Denn das gute Resultat ist zeitlich. Parce qu'un bon résultat est temporaire. It is perishable. Es ist zerstörbar. C'est périssable. It can take you to nowhere because the kingdom of heaven does not need it. Denn das Königreich des Himmels braucht es nicht. Encore une fois, ça va t'amener nulle part parce que le royaume des cieux n'a pas besoin de ça. They don't need it. The kingdom of heaven don't need it because it's too low for the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels braucht es nicht, weil es zu gering ist. It's too low. Parce que le royaume des cieux n'a pas besoin de ça parce que c'est pas un niveau acceptable ou un niveau avec lequel le royaume des cieux peut travailler. Don't be like the children of Israel. They were seeking the natural king. They suck the natural king and reject the supernatural king. Don't seek and commission. Okay. Don't seek the natural result and reject all that of the supernatural. That natural can take you to nowhere. The Lord does not even need it. He doesn't need it. Suche nicht das natürliche Resultat und verweigere dabei das übernatürliche Resultat. Suche nicht einen natürlichen König, wenn du den wahrhaftigen König schon hast. Denn der Herr braucht dieses natürliche Resultat nicht, um seinen Willen zu durchzuführen. Et on ne doit pas être comme les enfants d'Israël. Eux, ils avaient un roi surnaturel, un roi céleste, mais ils cherchaient à avoir un roi charnel. Praise the Lord. You are not different today. Don't be like them. On doit être vraiment, on doit pas être comme eux, on doit être différent. Don't reject Christ by seeking the natural. Donc on doit pas rejeter le Christ en cherchant le naturel, le charnel. Seeking the natural means rejecting the supernatural. Das natürliche zu suchen heißt das übernatürliche zu verweigern. Parce que quand on cherche les choses naturel, on rejette les choses surnaturelles. You know, even the natural people, they go to university and they have their degree, they don't even use it a lot. I've seen a lot. Und sie benutzen ihr Studium. They do not even use it. I know of them. I don't know. They go to university, have the degree upon degree, but they don't even use it. It's all, you know, the time wasted, everything wasted. Everything just wasted. Nur die ganze Zeit verschwendet. Parce que même dans le monde, il y a des gens qui font des études, ils font des années en études et à la fin ils sont même pas dans le domaine dans lequel ils ont étudié. The crack in our brain wasted. Mein Gehirn fast aufgebrochen hat für dieses ganze Lernen, alles verschwendet. Donc tu t'es cassé la tête pendant toutes ces années pour rien. Don't seek the meat that perishes. Suche nicht nach der wasted time. Nach der vergänglichen Speise, die verschwendete Zeit ist. Donc on doit arrêter de chercher la nourriture qui la nourriture périssable parce que c'est une perte de temps. Praise the Lord. Alleluia. We will be able to finish it today. Let me just say, amen. Amen. Daniel did not seek again. Daniel did not seek not to be eaten by the lion. Daniel hat nicht danach gestrebt, nicht gefressen zu werden von den Löwen. Et encore une fois, Daniel, pour Daniel, il ne s'agissait pas de pas être dévoré par le lion. You never, you know, there's no place written that was his prayer. Es gibt keinen Ort, wo steht, dass das sein Gebet war. On peut pas, nulle part il est écrit que c'était une prière de Daniel. You don't need to tell your father what to do. Du musst deinem Vater nicht sagen, was don't allow the lion to eat me. You are telling him what to do. He knows what to do. Donc on ne doit pas dire à notre père ce qu'il doit faire, parce que si Daniel aurait dit demander au père à ordonner à commander au lion de ne pas le dévorer, ça veut dire que si Daniel a dit à Dieu ce qu'il doit faire, mais Dieu il sait ce qu'il doit faire. Don't allow this sickness to kill me. You are telling him what to do. Lass nicht zu, dass diese Krankheit mich tötet. Du sagst ihm sozusagen, was er zu tun und zu lassen hat. Parce que quand tu dis ne permets pas que cette maladie me tue, là tu es en train aussi donner des ordres à Dieu. Help me to pass this exam. You are telling him what to do. Du sagst ihm, was er zu tun hat. Aide-moi à passer cet examen. Tu lui dis aussi ce qu'il doit faire. He's a good father. Es ist ein guter Vater. Dieu est un bon père. You know what to do at the right time. Er weiß, was er zu tun hat zur rechten Zeit. Il sait quoi faire au bon moment. Daniel did not seek not to be eaten by the lion. Daniel hat nicht danach gestrebt, nicht gefressen zu werden. Parce que encore une fois, pour Daniel, il s'agissait pas de pas être dévoré par le lion. But the lion could not eat it. Aber die Löwen konnten ihn nicht fressen. Mais les lions n'ont pas mangé Daniel. Actually, he used them as his pillow. Er hat sie sogar als Kissen benutzt, um zu schlafen. And sleep like a baby. Gut zu schlafen. Au contraire, il a même utilisé les lions comme coussin et il a dormi comme un bébé. Amen. Those things you have to use them as pillow and just sleep like a baby. Mm. Whatever is bothering you, just Donc, tout ce qui te préoccupe, tu dois même utiliser ces choses comme un coussin. Because they are under your feet. Denn sie sind unter deinen Füßen. Parce qu'ils sont en dessous de tes pieds. It's called you the head of all principalities and exact. Power. Wir sind der Kopf aller When are you going to believe it? Parce qu'il nous dit qu'on est la tête de toute chose. De toute principauté et de pouvoir. And stop being worried. Und hör auf, dir Sorgen zu machen. Arrête de te faire des soucis. Heaven is sad when you are worried. Der Himmel ist traurig, wenn du dir Sorgen machst. They are sad because they know that you don't even know. You don't know, you don't know, you don't know. You know, Elisha. You know, if you look at Elisha, he was not in panic when he saw the Syrian army. When he saw, you know, they were there already. And yes, the exam is coming. This one is coming. The other one is coming. The other one is coming. You know, let them come. Let them come. Elijah went and said, let them come. Because I know who I am. Auf dem Mond, lass diese Dinge kommen. Ich meine schon, wer ich bin. Und diese Dinge sollten anscheinend auch wissen, wer er ist. Und deswegen hat er gesagt, sie können ruhig kommen, damit sie erkennen, wer hinter mir steht, wer in mir ist, wer ich bin. On doit pas permettre que ces choses nous soucient, parce que là, le ciel est triste. Même Élisée. Même Élisée, il ne s'est pas soucié. Il a même dit à ces choses de venir vers lui, parce que afin que ces choses peuvent même témoigner, vont voir la grandeur du Dieu qu'il a en lui. Praise the Lord. Amen. The three Hebrew boys. Les trois hébreux. Les trois garçons hébreux. They did not seek not to be burned by fire. Sie haben nicht danach gestrebt, nicht vom Feuer verbrannt zu werden. Who are these people? I want to know them. I want to see them in heaven that day. Amen. Wer sind diese Leute? Ich will diese Leute sehen. Parce que pour eux aussi, il ne s'agissait pas d'échapper au feu. Mais je veux vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ces personnes. See how they were able to believe. What we have is greater than what they have. Yeah. In der Lage waren zu glauben, dass was wir haben, ist größer als was sie jetzt haben. Parce que leur foi est vraiment formidable, parce que ils ont ce qu'on a aujourd'hui est plus grand que ceux qu'ils ont eu, mais quand même leur foi était immense. They saw the fire, but they never allowed the fire to control them. Sie haben das Feuer gesehen, aber nicht zugelassen, dass das Feuer sie kontrolliert. Ils ont vu le feu, mais ils ont jamais permis que ce feu les contrôle. Amen. They never prayed for God, don't allow this fire to burn us. Sie haben nicht zugelassen. Because then, you have to know him, know your father. He's a good father. And he know where to appear. If he's just quiet, just leave him. He know when to speak. He just know he have his own time. Und wenn er ruhig wait ist, upon dann wisse, dass er seine eigene Zeit hat zu sprechen. Vertraue ihm. Seine Stille heißt, dass du ihm einfach vertrauen sollst. On a vraiment un bon père et on doit vraiment lui faire confiance et savoir qu'il va toujours agir au bon moment. God's children should stop seeking to have things. Kinder Gottes sollten aufhören, nach Dingen zu suchen. Les enfants de Dieu doivent arrêter de chercher les biens de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. To have what they have. Zu haben, was sie haben. Avoir ce qu'ils ont. Amen. Amen. What the natural have. They have good report. They have good result. They have good everything. They have good job. They have it's anything. Let me use this English. Gooder than Christ. Irgendetwas besser. That you have. Das wir haben. Est-ce que quelque chose existe qui est mieux que le Christ? Praise the Lord. Hallelujah. In Him is everything. All your victory. On a tout en lui. En lui, il y a tout de ce qu'on a besoin. You're seeking those things, we take those things away from you. Diese Dinge zu suchen, wird diese Dinge von uns wegnehmen. Et si on commence à chercher ces choses vont nous écarter de l'éternel, du Christ. Be satisfied with Christ, and those things we automatically seek. On a vraiment à être satisfait avec le Christ et toutes ces choses vont commencer à nous suivre. Again, Daniel, his testimony was not he was not eaten by the lion. Encore une fois, et le témoignage de Daniel n'était pas que les lions ne l'ont pas mangé. Today it will be all the testimony. People will even want it to come out on television. Look at somebody lion could not eat. Mais aujourd'hui, ça sera un grand témoignage qui va même passer à la télé. Regardez, cet homme n'a pas été dévoré par les lions. Daniel's testimony was he believed God. Bis zum Ende Gott geglaubt. Mais le témoignage de Daniel était qu'il a cru en Dieu jusqu'à la fin. If everyone was eaten by the lion, doesn't matter. He believed God to the end. He did not submit to the king. Zum Ende geglaubt und hat dem König sich nicht untergeben. Et même si le résultat aurait été un autre, donc si Daniel aurait été dévoré par les lions, son témoignage aurait toujours été qu'il a cru jusqu'à la fin. So also the three Hebrew boys. Genauso auch die drei hebräischen Jungs. Tout comme les trois garçons hébreux. Their testimony was not they were not consumed by the fire. Ihr Zeugnis war nicht, dass sie nicht verbrannt worden sind durch das Feuer. Et leur témoignage n'était pas qu'ils n'ont pas été brûlés par le feu. That will be the Christian's testimony today. Das wäre heute das Zeugnis des Christen. Christianity. Hey, praise the Lord. Fire could not eat them, could not swallow them, could not burn them. Hey, can you see the power of God? Hast du sowas schon mal gesehen? Hast du sowas schon mal gehört? Siehst du die Kraft Gottes? Mais ça serait le témoignage des chrétiens aujourd'hui. Tu peux voir la force de mon Dieu, j'étais dans le feu, j'ai pas été brûlé. Tu peux voir la grandeur de mon Dieu, mais c'est pas ça, il s'agit pas Amen. De ça. Amen. Their testimony was they believed God to the end. Ihr Zeugnis war, dass sie Gott bis zum Ende geglaubt haben. Leur témoignage est qu'ils ont cru en Dieu jusqu'à la fin. They chose him, they continue to choose him. Sie haben ihn gewählt. No matter how hot the fire was. Egal wie heiß das Feuer war. Ils ont choisi Jésus, ils ont choisi Dieu, ils ont continué à choisir Dieu jusqu'à la fin. Peu importe la chaleur du feu. Amen. Peu importe. Amen. Amen. So Joseph. Moto. Amen. Amen. Joseph's testimony was not he became prime minister. Das Zeugnis von Joseph war nicht, dass er Premierminister wurde. Tout comme Joseph, par exemple, le témoignage de Joseph n'était pas qu'il est devenu un ministre. Or interpreted the dreams of the king. Mm. That was not the testimony. Whatever we call testimony. Deuten konnte. Ou alors qu'il était capable à expliquer les rêves au roi. Amen. Mm. His testimony was he chose God. Sein Zeugnis war, dass sich für Gott, dass Gott gewählt hat. Son témoignage était qu'il a choisi Dieu. There was a way he could make everything work fast for him, but he chose, you know, that way. The way you know, he chose, you know, your ways. It's, the way you do things is a testimony. Mm. If it is Christ. Mm. Oh, und es gab einen Weg, den er nehmen hätte können, aber der Weg, you know, wie du dorthin kommst, das ist wichtiger. See, when you lose it, the way. Dieser Weg, selbst wenn du die Sache, das Ziel sogar verpasst, aber es geht um den Weg dorthin. Oh, ja. Et Joseph il avait la possibilité de prendre un raccourci même, mais on doit savoir que ce qui est plus important est de faire confiance à Dieu, même si le chemin que tu prends quand tu choisis Dieu peut prendre beaucoup plus de temps, ou même tu peux perdre cette promesse peut-être pendant le chemin que tu pars, mais ce qui est important est que tu restes sur le bon chemin qui est Dieu lui-même. Praise the Lord. Yeah. You know, Stephen and John the Baptist had their testimony. Stephanus und Johannes hat They had their testimony. Mm. Tout comme Jean-Baptiste et Étienne, ils avaient leur témoignage. Though they were killed. Même si tous les deux ont été tués. Not even death could stop their testimony. Aber nicht mal der Tod konnte ihr Zeugnis aufhalten. Amen. Mais même la mort n'a pas été capable à stopper leur témoignage. They are in heaven. with Christ today. Wir sind jetzt im Himmel mit Christus zusammen. Parce qu'ils sont au royaume des cieux aujourd'hui avec le Christ aujourd'hui. They chose the Lord to the end. Sie haben sich bis zum Ende für den Herrn entschieden. Ils ont choisi l'Éternel jusqu'à la fin. That's the meat that never perish. Das ist die Speise, die niemals vergeht. Et ça c'est la nourriture qui ne périt jamais. Praise the Lord. Alléluia. The root is our testimony. Die Wurzel ist unser Zeugnis und nicht die Frucht. Parce que c'est la racine qui est notre témoignage et pas le fruit. Our testimony always bears fruit. Unser Zeugnis zeugt immer Frucht. Et notre témoignage produit toujours des fruits. It is that bear the physical fruit or it bears the spiritual fruit. Oder die geistliche Frucht. Et ça va, soit ça va produire des fruits charnels, naturels, ou des fruits surnaturels. And at the end, it will always bear the spiritual fruit. Und am Ende wird es immer die geistliche Frucht geben. Et à la fin, la chose qui ne périt pas, c'est le fruit surnaturel. You know Daniel, the three Hebrew boys, Joseph. You can see the physical fruit. You can see the prime minister. Fire did not burn it. You can see it's a fruit. Seine Frucht. But that is not the root. Das ist nicht die Wurzel. Mais on peut voir Daniel par exemple et les trois garçons hébreux. On peut voir le fruit charnel. Les trois garçons hébreux n'ont pas été brûlés par le feu. Daniel. Daniel, Joseph. Three Hebrew boys and Joseph. Joseph, oui, c'est un. Okay. Et Joseph aussi, par exemple, il est devenu un premier ministre, et ça, c'est le fruit charnel. Amen. Amen. But Stephen and John the Baptist, they bear, you know, the spiritual fruit. You guys, it's a fruit. Mais on peut voir le fruit surnaturel que Étienne et Jean-Baptiste ont produit. Die sehen wir bei Stephanus und Johannes dem Täufer. Amen. Et ça, on peut voir chez Jean-Baptiste et Étienne. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. So we will stop here, please. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Ah? Praise the Lord. Hallelujah.